J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien, pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien ? 770 euros, monsieur. 770 euros pour un appartement en mauvais état, non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici.